بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dis, j'implore la protection du maître du monde, souverain du monde, Seigneur du monde, contre l'inspirateur perfide qui susurre dans les cœurs des hommes, qu'ils soient djinns ou humains.